works a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! Here's a shot! Henderson made a wild stab for spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The band have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières, bienvenue à l'inconduite de partie en ce magnifique 8 avril sous un petit couvert de neige ce matin. Fait beau quand même là. C'est très très beau, le soleil vient de sortir. Hey, ça reflète sur la neige, c'est magnifique quand on dit que ça faisait quoi, 3-4 jours qu'il pleuvait là? Oh, ouais, ça faisait 3-4 jours qu'il pleuvait. Fait qu'on... Non, ça fait du bien, ça met un sourire dans le visage. Ben oui. Exactement. Hey, hier soir c'était, on va commencer avec ça, on va se flatter un petit peu dans le dos. Hier soir, c'était la remise des bourses pour C'est fou, les bourses d'implication de la GEQTR. Et on est content de dire que la conduite de partie s'est mérité le premier prix pour l'émission de radio d'implication vraiment pour nous. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent, qui aiment ce qu'on fait. Et merci à ceux qui nous ont choisis. Oui, merci aussi à ceux qui nous ont choisis. Donc, on est content tous les mercredis matin de vous livrer nos opinions sur le sport. Puis en même temps, on aime ça faire de la radio. Ouais, ben oui. On aime ça. Ça nous donne un petit coup dans le dos là, pour nous encourager à continuer parce que c'est pas mal là, les deux, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Oui, oui. Ben, c'est large, hein, les communications. Ben, toi et moi, on est étudiants là-dedans. Donc, on verra bien. Peut-être, peut-être qu'un jour, tu vas être premier ministre. Ben, donc... Hey, cette semaine à l'émission, on vous parle plusieurs nouvelles. Là. On fait le tour un petit peu de l'actualité sportive en première partie d'émission. Deuxième partie de l'émission, bon, ben, bien sûr, les séries de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Pierre-Luc, comme d'habitude, au rendez-vous. Comme toujours, au rendez-vous pour nous parler de ça. D'ailleurs, les Cataractes étaient en action hier, donc on va parler de ça. Victoire des Cataractes, 6-3. Oui, belle victoire hier. Ouais, la partie était sur TV Cogeco en plus. Puis bonne couverture de la part de TV Cogeco. L'image comme toujours, belle, moi je trouve qu'ils font du très très bon travail. Ouais, c'est excellent, excellent. Donc tout d'abord, par contre, on va aller aux actualités de la semaine. Cette semaine, en fin de semaine, c'était le March Madness qui se finissait, le Final Four, comme on peut l'appeler aussi. Donc, on en avait parlé un peu. C'est la finale du basketball collégial aux États-Unis. Ça se disputait au Ford Field à Détroit, qui est le Ford Field, c'est le stade des Lions de Détroit. Donc, 72 922 personnes dans le stade. Oui, c'est du monde. C'est beaucoup de monde, surtout pour une partie de basketball. C'est aussi que le Ford Field est situé à Détroit. La partie, c'était entre North Carolina et Michigan State. Michigan State, c'était à 120 km à peu près de Détroit. Donc, on peut dire que le trois quarts de la foule était vraiment partisane des Spartans. Mais non, ça n'a pas été un succès pour les Spartans. On va dire tout d'abord, là, pour se rendre là, Michigan State a dû affronter UConn, l'Université du Connecticut. En demi-finale, une victoire de 82-73, donc très convaincant comme victoire. De leur côté, UNC ont affronté Villanova, qui était un petit peu une surprise là, de se rendre là. Moi, je l'avais prédit, là, je tiens à le mentionner. Donc, qui se sont rendus en finale entre les deux. Ça s'est terminé par la marque de 89-70 pour les Tar Heels de North Carolina, qui ont vraiment défait les Michigan. Ça n'a pas été un match serré là, à la demi, c'était 55-34. Après ça, les Tar Heels ont juste comme gardé le rythme, rien de spécial. C'était pas excellent comme match. Je vais être bien franc, non. Même je pense qu'on peut dire que ça a pas été excellent comme tournoi. C'était probablement un des tournois... Comme tournoi tout court. Ben, c'était un des tournois les plus plates que j'ai vus. Ah ouais. Aucun... Mais ce qu'on appelle en anglais, là, j'ai un upset, une surprise, vraiment une équipe forte qui bat une équipe faible. Contre une équipe faible qui bat une équipe forte. Il n'y en a pas eu beaucoup. Ça n'a pas été vraiment trippant comme tournoi. Beaucoup de dégelés. beaucoup d'équipes qui dominent l'autre équipe tout le long. Donc, tant qu'à moi, la partie de l'année, ça a vraiment été entre UConn puis Syracuse dans le championnat du Big East avant le tournoi qui s'était terminé en sixième période de prolongation. Ouais. Ça, c'est vraiment la partie de l'année, tant qu'à moi. Donc, dans la partie, Wayne Ellington a eu 19 points. Tyler Hansbrough a eu 18 points aussi. Donc, le coach Roy Williams était très, très, très content de ses troupes. Et je le comprends, c'est tout à plaisir de gagner un tournoi de la sorte. Autre nouvelle, les estacades de Pierre-Luc. Oui, les estacades du Midget 3, qui faisaient face à l'élimination hier soir, qui avaient perdu les trois premiers matchs contre le club de Laval-Bourassa. Mais le Rousseau Sport, c'est ça? Je sais que c'est les anciens régents que ça s'appelait. C'est les anciens régents que ça s'appelait dans le temps, donc... C'est ça, là. Un commanditaire qui donne son nom à l'équipe, c'est dommage, ben, là, mais... Ça. En tout cas, l'argent, c'est l'argent. C'est de l'argent, tu gardes tout est de l'argent. Ouais. Donc, c'est ça, donc il faisait face à l'élimination hier soir, perdait 3-0 dans la série. Ont finalement remporté un premier match. Ils perdaient 3-1 après la mi-période en deuxième. Et finalement, ont fait une remontée de 5 buts d'affilée pour finalement l'emporter par la marque de 6-3. Donc, le prochain match, alors que les Estacades s'en retournent à Laval-Bourassa, c'est jeudi le 9 avril à 19h30. Donc, continuez les Estacades. Vous avez encore des chances de le remporter. C'est difficile, mais ça peut se faire. C'est difficile, mais regarde, on est capable. Ouais. Laval-Bourassa, c'est un très gros club. Autre nouvelle, c'est sorti cette semaine. Sherbrooke, la ville de Sherbrooke, qui va accueillir les Jeux du Canada. Qui est en compétition entre Blainville et Sept-Îles. Ça aurait été le fun, par contre, à Sept-Îles. Ouais, Sept-Îles. Tu sais, une petite localité un peu plus... Un petit peu plus loin. Qui obtient ça. Parce que, au gros fret. Ouais, au gros fret. Bon, c'est pas si pire, là, t'es méchant. Donc, c'est vraiment... Les Jeux du Canada, ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de monde. C'est 3500 athlètes qui vont affluer de partout au Canada vers la ville, en plus de 1000 entraîneurs. On parle des retombées économiques de l'ordre d'environ 100 millions de dollars pour un investissement d'environ 50 millions de dollars. En plus, ça vaut la peine. Ah oui, puis ça va être des infrastructures qui vont être construites dans la ville. C'est vraiment gagnant. Les Jeux à Sherbrooke qui a accueilli les mondiaux juniors d'athlétisme. Le stade de l'Université de Sherbrooke est vraiment sur la coche pour un stade d'université québécoise. Beau, il y a des loges, il y a vraiment très, très beau. Il y a de la place en masse, une belle piste de course, tout ça. Donc, il y avait déjà ça. Ils ont plusieurs arénas aussi où j'imagine il va peut-être avoir des sports. On va construire des nouvelles infrastructures. Oui, il va y avoir il disait ça, le gouvernement va investir c'est 11 millions pour les jeux, puis 3 millions en infrastructures aussi. Wow, c'est énorme comme investissement, puis ça va vraiment ça donne une belle visibilité aussi à la ville, puis ça va vraiment, il y avait une pétition de 25 000 noms qui avait été signée pour ça là, fait que c'est bon de voir qu'une ville encourage la jeunesse de la sorte pour c'est ça là, dans le fond, avoir un gros événement avec la ville, puis Sherbrooke est une ville très dynamique aussi là. Oh, ouais. Donc mais j'aurais été curieux de voir ça cette île. Je sais pas au niveau infrastructure ce que ça ressemble. Ben, c'est un petit peu, tant qu'à moi c'est loin là, puis je trouve que les gens sont tous loin. C'est loin. De toute façon, ceux qui partent de l'Alberta puis de la Colombie-Britannique, ça change absolument rien. Je parle du monde du Québec là, tu sais, c'est quand pour même, aller voir ça, tu veux dire? Hein? Pour aller voir puis cette île, c'est quand même pas la ville la plus populeuse non plus là. Sauf que c'est une ville que ben, tu sais, souvent, les villes en région, c'est un petit peu plus, en région, là. Pour certains, Trois-Rivières est en région, là. Mais je veux dire, les villes beaucoup plus éloignées. Plus t'es éloigné, plus t'es, regroupé dans ta communauté, plus ta communauté est forte, puis plus les gens se tiennent. Regarde Bécomo, au hockey junior. Ouais, ben, ça va pas super bien. Okay, c'est pas un bon exemple, c'était pas le meilleur exemple, donc, c'est ça. Hey, on va aller en musique, il y avait un spectacle au Métropolis la semaine dernière. C'était les 10 ans de l'émission 1, 2, 3 Punk à Musique Plus. C'était un gros line-up, là. On parle des St. Catharines, Sub, Planet Smashers, Grim Skunk. Puis c'était le retour pour un soir du groupe Reset. Je sais pas si t'as connu Reset dans Ben oui. OK, donc, on a ramené pour un soir la formation de début qui était, Joli Cœur, Phil Joli Cœur, il manque le nom du bassiste, puis Pierre Bouvier, Chuck Como, qui sont batteurs et chanteurs de Simple Plan. Donc, qui ont sorti de leur grosse voiture, j'imagine, leur villa et tout ça, pour venir jouer un spectacle au Métropolis. Mais c'était très, très, très solide comme prestation. Tu vois que ça faisait différent pour lui de voir du monde. J'y étais, je pense. Ouais, j'y étais au Métropolis, c'est pour ça que j'en parle. Donc, pis ça faisait différent pour lui, j'imagine, de voir des gens faire un circle pit au lieu de chanter puis de crier comme des petites filles. Ben quoi, comme des petites filles, souvent, c'est des petites filles, sont public. Là. Son public, c'est souvent les petites filles pour Simple Plan. Donc, donc hey, on va aller écouter une chanson d'un groupe qui était là aussi, que je n'ai pas encore nommé. On va aller écouter Comptez les corps, des vulgaires machins. Live on C'est fou à 89.1. Bien me dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Et c'était les Vulgaires Machins avec la chanson Compter les corps. Il est présentement à 10h22. On continue dans les nouvelles. On va parler un petit peu de boxe. Il y avait deux galas en fin de semaine à Montréal, qui, en tout cas, mettre deux galas de taille à Montréal en même temps, la même Andrade. Fin de semaine. Andrade, c'était, mais c'est ça que je trouve ridicule. T'as-tu vu le, qu'est-ce que les médias ont donné comme, ben pas image, mais comme la couverture du gala de boxe? Ouais. On mettait plus d'emphase sur Libraro Andrade, ouais, que sur le combat Bradley Holt, qui est entre deux champions du monde. Deux champions pour, ouais, c'est ça. C'est ridicule, je veux dire. Soit que t'acceptes que t'es une ville internationale qui accepte, qui fait des combats de taille internationale, ou soit que t'encourages juste parce qu'il va affronter Bouté, pis... Non, on en a parlé la semaine passée que justement à Montréal, c'était vraiment les shows marchaient quand on avait des vedettes, ouais, locales. Puis c'est la raison pour laquelle ils ont voulu vendre plus de billets, donc on a mis l'emphase sur les vedettes locales. Ouais, non, mais je te parle au niveau des médias. Au niveau des médias, ouais, tu sais, t'as bien beau avoir tu veux dire oui, Andrade, bon, il va affronter Bouté, local, tout ça. Toi, en tant que média, tu te dois de rapporter la nouvelle de façon que c'est pas ça le combat principal, c'était l'autre. J'ai lu les textes, puis même à LCN, je suis même pas sûr qu'ils ont parlé du combat Bradley. C'est ça, moi non plus, j'ai eu de la misère à avoir vraiment des nouvelles là-dessus. C'était vraiment. On parlait vraiment d'Andrade. Andrade. Ah ouais. Donc, c'est ça. Pour cet événement-là qui se déroulait au Centre Bell, donc justement, Bradley a battu Kendall Holt par décision unanime. Les juges ont remis des cartes de 115-111, 114-112, 115-111. victoire vraiment décisive de Bradley qui était meilleur que l'autre. Là. Donc, on a réuni les deux ceintures, c'est Bradley champion. C'est Bradley qui est rendu le double champion de la WBC et de la WBO. Poids moyen, oh boy, en français c'est quoi ça? Light welterweight title. Donc, je sais pas c'est quoi, vrai, léger. Non, j'ai un bon accent digne de l'Alabama. Donc, dans le combat en dessous, Librado Andrade qui a battu en décision unanime, vraiment très facile comme victoire, Vitaly Tsipko, des cartes de 120, 106, 117, 109 et 117, 109. Donc, Andrade va affronter Lucian Bouté dans un combat revanche. Ça va se vendre très fort, ça. Je dis pas que le Centre Bell va être à pleine capacité, mais ça va être très fort. Ouais. Ça, les billets vont se vendre, par exemple. Ben, c'est sûr, on l'a dit, c'est Bouté. Ah, là, c'est ça. C'est Bouté. C'est donc, ça marche. Donc, en dessous de ça, Adrian Dekanou qui se battait contre David Whittam, le Shark. Bon, ben, on l'avait dit, ça allait être facile. C'était un combat de 8 rounds. Ça s'est fini. Il y a un juge qui a donné un round à Whittam, mais pour le reste, victoire unanime de Dekanou. Donc, qui porte sa fiche à 25-0 pour le champion du monde. Mais le titre n'était pas en jeu pour ce combat-là. Donc, c'est juste une belle fenêtre, personnellement, pour Whittam. Puis, ça a peut-être permis de vendre 150 billets de plus. Donc, c'est déjà ça. Parce que, je sais pas si tu as vu les images un petit peu du combat. C'était pas plein, là. Il avait fermé à moitié. Puis, tu voyais que, en tout cas. Mais, ça reste que j'ai vu des combats de boxe aux États-Unis où ça se passait quasiment dans un gymnase ou un casino, là. Puis, quand même d'envergure. Donc, il y avait. Tu sais, si on se dit qu'il y avait 5-6 000 personnes, c'est quand même 5-6 000 personnes, ça reste une foule acceptable pour la boxe. Ben, c'est sûr que ça donne peut-être une leçon là, à Montréal pour ce qui est des événements internationaux, de mettre deux boxeurs qui viennent pas d'ici. Je sais pas si ça va être pour la boxe. C'est pas comme dans le temps que Doran avait affronté Sugar Ray Leonard au Centre Bell, au Stade Olympique, où c'était deux boxeurs de renommée internationale. Oui, c'était vraiment grandiose. Le Stade Olympique était plein à capacité. Ça, c'était tout un combat. Mais en tout cas, ça, malheureusement, c'est deux champions du monde, mais pas des noms extrêmement connus. Non, c'est ça la nuit. Donc, en même temps, l'après-midi, au Casino de Montréal, justement, Jean-Pascal affrontait Pablo Daniel Zamora Nievas dans un combat pour le titre vacant intercontinental des super mi-moyens de la WBO. Comme de raison, là, Pascal l'a emporté. Il est vraiment comme supérieur à Nievas, KO au cinquième round. Il y a un round que Pascal a été ébranlé un peu, mangé une bonne droite, il me semble que c'était une gauche. Dans le fond, ça y a eu un peu, mais après ça, ça a été la dégelée. Donc, dans ce gala-là, Pascal, en gagnant ça, se mérite. Ben, pas se mérite, mais ça va être organisé, ça se passe bien gros, entre Interbox et le groupe Gym, le tout premier. Ouais. Premier combat entre deux Québécois. Pas entre deux Québécois, mais entre ces deux fédérations-là. Pas fédération, mais entre ces deux groupes-là, dans le fond de boxe, qui se déroulerait probablement au Centre Bell. Jean-Pascal contre Adrien Dekanou pour le titre de champion du monde. Ça va être bon. De Dekanou, ça va être excellent. Ouais. Si l'épaule de Pascal peut tenir, on le sait, il est un petit peu tout le temps affligé par les blessures. Il a un style aussi un peu baveux, ça c'est correct, il a amplement le droit, mais des fois, il tient sa garde un petit peu basse. Donc, on va voir à ça, ça va être super intéressant. Le Shark Diaconu, qui est vraiment, là, le nom dit, là, un requin là, très, très, très tough comme boxeur, capable de sortir le meilleur de soi-même. En tout cas, je veux pas me prononcer, mais moi, je donnerais ça à Diaconu, malgré que ça va être excellent. Ça aussi, là, ça pourrait être tout un événement. Je sais pas, je pense pas faut qu'ils fassent ça pendant la même carte que Bouté puis Andrade. Je pense pas que ça serait une bonne idée, parce que t'as deux galops qui sont capables d'amasser beaucoup de fonds. Faire ça dans la même carte, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ça va être séparément. On verra bien. Donc, pour la boxe, c'est ce qui conclut pour la boxe. Course automobile, Patrick Carpentier qui a signé un contrat selon ruefrontenac.com avec l'équipe de le Michael Waltrip Racing pour courser en Nationwide à Montréal. Donc, il va conduire la Toyota Camry numéro 99 qui était conduite par David Rutman l'an dernier. C'est une bonne voiture, très bonne voiture. Il se retrouve pas avec des deux de pique. C'est une bonne écurie aussi. Ça va être intéressant de voir ce que Carpentier va pouvoir faire. Ça va être intéressant aussi de voir si Villeneuve et Andrew Ranger vont pouvoir participer à cette course-là. C'est toute une question de commanditaire très souvent. D'ailleurs, Ranger n'est pas capable de courir en Nationwide cette année. Il est revenu en NASCAR Canadian Tire. Donc, plus difficile un peu là, ouais, pour lui. C'est toute une question d'argent. Puis c'est difficile depuis que la filiale Players est partie. Pourquoi ça doit faire 10 ans environ, là, me semble. Ouais, j'avais 15 ans à peu près. Ouais. Donc, ça fait 10 ans environ. Depuis ce temps-là, c'est impossible à peu près de développer des pilotes québécois s'ils vont pas en Europe. Puis Carpentier pourrait aussi courir à Watkins Glen, qui est trois semaines avant, qui est un autre circuit routier. Donc, Carpentier utilisé sur les circuits routiers. Oui, donc on va parler un peu aussi de hockey, encore une fois. Donc, les championnats provinciaux scolaires qui sont présentés à Trois-Rivières du 15 au 19 avril. Donc, on a plusieurs écoles de la région qui sont représentées, dont les Estacades. Les matchs vont tous avoir lieu à l'aréna Claude-Mongrain, Jérôme Côtenoir et à l'aréna Jean-Guy Talbot. Donc, on va avoir plusieurs matchs. C'est sûr que c'est pas nouveau aussi compétitif qu'exemple vraiment le midget, les trucs comme ça. Mais c'est vraiment au niveau scolaire, pas de contact. C'est vraiment... c'est quand même du très bon hockey. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment le fun là, de recevoir là, un événement comme ça ici à Trois-Rivières. Ensuite de ça, il y a des équipes qui vont se rendre à la Coupe Dodge au championnat provincial. Ça va se dérouler dans la région du Lac-Saint-Louis. On va être représenté par 18 équipes dans les catégories Atom, Peewee, Bantam, Midget et Junior. On peut surveiller une équipe en particulier, les Cataractes du Centre Mauricie dans le Midget 2B, qui ont connu une excellente saison cette année. On pourrait peut-être aspirer aux honneurs là, pour cette équipe. Parfait, ça, on va suivre ça un peu. C'est sûr, c'est la Coupe Dodge, c'est l'emblème, pour ceux qui ne savent pas, l'emblème québécois du championnat provincial. Ouais. Donc, exactement. Et finalement, je veux le mentionner, il y a 40 ans, aujourd'hui, c'était le tout premier match des Expos de Montréal qui avait disputé. Je vais verser une petite larme. Ben écoute, moi, le baseball, ça me manque quand même. D'écouter Jacques Doucet, de savoir que peu importe le soir, tu peux mettre ton radio au 7:30 AM puis d'écouter Jacques Doucet faire la description d'un match de baseball. Ça me manque beaucoup. Ben, moi, j'ai remplacé ça par les Capitales. Oui, de les Québec. Capitales à Québec. C'est, on a encore du baseball à tous les soirs à FO 800. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, là, ça manque. Ça avait été une victoire des Expos 11-10 contre les Mets de New York au Shea Stadium. Donc, on s'ennuie beaucoup des Expos. Ouais. Moi, personnellement, mais je sais que plusieurs autres aussi. Alors, on va aller une petite pause. On vous revient dans 2 minutes. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou! C'est Fou.ca, c'est un portail d'information sur votre radio. Les actualités télévisuelles et les spectacles à voir absolument. C'est pour moi, c'est le palmarès des concours un forum. C'est pour moi, c'est le site de Radio Universitaire où vous pouvez visiter de la francophonie. C'est pour moi, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne partout sur la planète. C'est pour moi, c'est tout ça. Une présentation de vos deux. T'es étudiant ou étudiante à l'UQTR et tu désires devenir chroniqueur dans le cadre d'une émission quotidienne dès septembre prochain, c'est fou à plus de 1 000 $ à remettre en bourse. Si la célébrité et l'argent t'intéressent, manifeste ton intérêt à l'adresse de courriel dgcfou@uqtr.ca. T'as jusqu'au 24 avril pour t'inscrire. Manque pas ta chance. Salut mon Danny! Ah, salut. Ça a pas l'air d'aller, mon chum? Bah, je

Et c'était Capitaine Révolte avec la chanson Monsieur Destin, il est présentement à 10h38. Pierre-Luc Giroux et Nicolas Duchamp dans vos zones. Hey, si dans, vos dans vos zones, ouais, ça se dit-tu? Dans vos radios, dans vos autos, dans votre bain, si vous avez une radio de douche. Ben oui, donc, c'est fun, ça. On est partout. donc, si vous voulez nous rejoindre en tout temps, c'est le live à commercial inconduitedepartie.com. Donc, on a aussi notre site internet inconduitedepartie.com, bien sûr. Puis, Luc, les séries ont avancé dans le junior majeur, ben oui, les cataractes, tout ça. Qu'est-ce que c'est passé? Ça va très, très bien du côté des cataractes. On a vraiment démontré beaucoup de caractère. À ce moment, on a vraiment donné une leçon de hockey aux Olympiques de Gatineau. On parlera pas tout de suite du match d'hier parce qu'il y a quand même eu deux matchs avant ça. Ça fait déjà, on est déjà rendu à la troisième partie. Donc, la fin de semaine dernière, tout d'abord, on est allé du côté de Gatineau parce que, comme on sait, les cataractes, à cause de la formulation des divisions, les cataractes ont fait terminer cinquième au classement général, les Olympiques quatrième. Donc, les Olympiques ont l'avantage de la glace. C'est pour cette raison qu'ils se sont rendus au centre Robert-Guertin la fin de semaine dernière. Tout d'abord, dans le premier match, les cataractes l'ont difficilement emporté par la marque de 4-3. C'est vraiment Mathieu Pistilli, un ancien justement des Olympiques, qui a fait la différence dans le match alors qu'il a compté 2 buts, 1 passe, dont le but gagnant alors qu'il restait là environ 10 minutes à la troisième période. Donc c'est vraiment Mathieu Pistilli qui a fait la différence dans le match. L'année passée, Pistilli, ça avait été, je vous dirais, le gros joueur des Olympiques contre les cataractes. Et cette année, voilà le contraire. Pistilli de l'autre côté. Et encore une fois, il fait mal. Donc un joueur d'impact. Un très grand joueur. Par contre, dans la partie, les cataractes ont d'habitude qu'ils sont très, très forts en supériorité numérique. Ont compté seulement 3 buts en 11 chances. C'est sûr qu'ils n'ont compté 3 quand même avantage numérique, mais quand même 3 en 11, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent chez les cataractes. Ça fait comment à peu près d'efficacité 3 en 11? Ça fait un 25 à peu près. Ben, un petit peu plus que 25. C'est pas si peu. Ben, c'est pas si peu que ça. On a fini avec 34% l'année passée, je crois, chez les Olympiques. OK, bon, une petite affaire un petit peu. Une petite affaire plus bas. Tout en voudrais encore plus. Encore là, les Olympiques, 11 pénalités. Ouais, c'est ça, beaucoup, je m'en ai plus dit. C'est plus vraiment beaucoup. Faut faire attention à ça parce que les cataractes sont très, très bons en avantage numérique. Donc, faut éviter de prendre des pénalités là, contre les cataractes. Dans le deuxième match, une toute autre affaire. Les Olympiques qui ont vraiment pris le dessus dans le match. Donc, c'est du côté des cataractes. Lalonde McNichol, Pierre-Alexandre Vandal ont été les gros joueurs, ont chacun récolté 2 points. Mais les Olympiques ont vraiment été supérieurs. C'est Ty McGinn qui a compté 3 buts. Je le connais pas, Ty McGinn. C'est la première fois que j'entends parler de lui. Mais en tout cas, il en a sorti une bonne la fin de semaine dernière contre les cataractes. Mais j'ai écouté la partie, puis début chanceux quand même. Ben, début chanceux. Puis faut noter aussi là, la performance du gardien Marc-Antoine Gilina qui a arrêté 37 arrêts. Donc, c'est un peu à cause de lui aussi là, la victoire. Peut-être début chanceux, mais il faut dire que le gardien a fait les arrêts. Faut aussi parler, dans le fond, hier maintenant, les Olympiques qui ont emporté facilement par la marque de 6-3, qui nous auront littéralement donné une leçon de hockey. Si on regarde du côté des tirs, Nicolas, ça s'est terminé 40-19 pour les cataractes, donc nette domination des joueurs des Cats. C'est sûr qu'on avait l'encouragement de nos jaunes avec nous. De nos jaunes, ça sonne mal, ça. Non, explique, mais sans contexte. Non, les supporters étaient habillés en jaune, c'est la raison pour laquelle, parce que je veux pas dire que les gens de Shawinigan sont des jaunes. Ça y est, hey, Pierre-Luc, ça passe pas loin, là, Shawinigan, ça se descend bien, là, dans un pick-up, là. On va taper sans tête, là. Non, c'était parce que les gens étaient habillés en jaune. Donc, ça a probablement donné un boost, vraiment, aux cataractes. Peterson et Lalonde McNichol ont chacun marqué 2 buts. Ensuite de ça, les autres marqueurs ont été Pierrick Martel, Maxime Legault. On a enfilé chacun 1 but. Les cataractes ont été beaucoup meilleurs hier en avantage numérique alors qu'ils ont compté 3 buts en 4 tentatives. Donc, on s'est un peu repris là, comparativement à la première partie. Donc, c'est ça. En troisième période, Nicolas, il y a eu beaucoup d'actions. On a pu voir quelques batailles. Ça a joué dur là, en troisième période. On préparait le match là, déjà de ce soir. Je pense que on va avoir beaucoup d'action là, ce soir. Pierre-Alexandre Vandal disait après la partie que tout de suite, une fois qu'il est rendu dans la chambre après la partie, il disait qu'il faut tout de suite se préparer pour demain soir. Où est-ce qu'on va bien s'hydrater, bien manger? Les gars sont vraiment... Je pense pas qu'ils vont aller à l'école aujourd'hui. Là, je sais pas. J'en doute un peu là, dans leur cas là, parce que je veux pas... Tu sais, t'as de partie à te concentrer, puis t'as des blessures à replacer. Je suis pas mal sûr que les professeurs vont leur donner un petit répit pour aujourd'hui. C'est ça. Donc, faut aussi parler d'Antoine Haute-Caron, qui n'était pas du match hier, alors qu'il a été suspendu 2 matchs à la suite d'une mise en échec par derrière samedi dernier. Donc, il avait été remplacé hier par Éric Bouchard, qui prendra part aussi au match de ce soir. Donc, lui qui a été suspendu pour 2 parties. Donc, on devrait le revoir là, à Gatineau vendredi. Donc, les Cataractes qui mènent maintenant 2-1 dans la série. Le prochain match est, comme on l'a dit plus tôt, ce soir, toujours au Centre Bionès. Donc, si vous soyez présents, les amis, habillez-vous en jaune, comme je l'ai dit plus tôt. Plus qu'on a le monde en jaune, plus c'est le fun. Amenez vos cloches, amenez vos crécelles. Écoute, faut que les Cataractes gagnent. Une grosse victoire ce soir serait vraiment appréciée. On s'en irait du côté de Gatineau avec une avance de 3-1. Je pense que les Olympiques seraient vraiment au pied du mur. Hey, je me demandais, on a-tu encore le droit des flûtes à air dans les arénas? Oui, on a encore le droit. Je sais qu'il y avait eu des plaintes. Ça dépend des arénas. Dépend des arénas. Je sais qu'à Bécomo, ils ont le droit. Ça, je peux te le dire. Ouais, t'as perdu un tympan là-bas ou... Hein? T'as-tu perdu un tympan là-bas ou... Non, mais je peux te dire qu'à toutes les fois que les Drakkar comptaient des buts, c'était la grosse sirène, puis tout. Donc, mais il y a des endroits qu'on a le droit. Je pense qu'au Colisée Pepsi à Québec, plus difficile. Pogné, en tout cas, tu t'as fait enlever. Okay. Mais encore là, on a déjà entendu des sirènes là, au Colisée Pepsi. Okay. Dans d'autres arénas, je peux pas te dire, mais sérieusement, là, la plupart, d'après moi, on peut, à moins que vraiment... On a vraiment des personnes à côté qui sont tannées de t'entendre, qui vont t'avertir, mais arrête-moi ça. Germaine, puis... Germaine et Alfred. Germaine et Alfred, ouais. Les deux gèrent. sont venus voir la partie. Ils sont venus gérer un peu aussi. Donc, ça, on regarde du côté maintenant des voltigeurs de Drummondville. Je tiens à m'excuser à toutes les Germaines et les Gertrudes. On voulait pas. Non, on veut pas vous niaiser, au contraire, votre sucre à crème est excellent. Ça, on regarde du côté maintenant des voltigeurs de Drummondville. Une série beaucoup plus facile, comme on s'en attendait. Mm-hmm. Donc, les voltigeurs qui mènent maintenant la série 3-0. Si on regarde du côté du premier match, ça avait été très, très facile du côté des voltigeurs. Victoire de 7-1. Contre le Junior de Montréal. Chris DiDomenico, qui avait été la grande vedette du match, lui qui avait amassé 1 but et 4 passes pour un total de 5 points. Mike Hoffman, Samson Mabon avaient chacun accumulé 2 buts. Dans la deuxième partie, ça avait été beaucoup plus difficile alors que le Junior avait montré beaucoup plus de caractère. Les Voltigeurs l'ont emporté difficilement en prolongation par la marque de 4-3. Le but gagnant a été au capitaine des Voltigeurs, Marc-Olivier Vachon. Danny Massé a pour lui a accumulé 2 buts, 1 passe pour un total de 3 points. On parlait de Marco Chisano en série éliminatoire. Eh bien, après le 3e but du junior, a été remplacé par Antoine Tardif. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on a reçu seulement 15 tirs du côté des Voltigeurs, quand même 3 buts. Donc, reste à voir si c'est une performance, pas un accident. C'est une mauvaise performance. Si on a changé de gardien, d'après moi, là, c'est parce qu'il y avait question à le changer. Je veux dire, si c'est une mauvaise performance d'un soir ou s'il est moyen, s'il est moins, c'est ça. Pour l'instant, ça va bien. On peut dire que c'est la seule mauvaise performance. De toute façon, avec le club qui est en avant de lui, il ne reçoit pas vraiment. C'est ça, là, avec la machine de hockey qui est en avant. Ben, c'est ça. Là, on verra dans les prochaines séries quand on va pogner les gros clubs. Mais pour l'instant, Marco Chisano fait le travail. Mais Antoine Tardif, encore là, est très bien capable de prendre les buts. C'est ça. Hier soir, on se transportait du côté de Montréal, alors que les Voltigeurs ont encore une fois remporté facilement la victoire par la marque de 6-1. La vedette du match est sans aucun doute le premier marqueur de la Ligue cette année, Yannick Riendeau, qui a amassé 2 buts et 2 passes pour un total de 4 points. Les autres buts sont à Marc-Antoine Desnoyers, Patrick Brocop, Benoît Lévesque et Dimitri Koulikov. Dans cette dans le fond, dans cette série-là, il y a toujours eu une suspension aussi. C'est Samuel Grenache qui avait été suspendu un match, donc il n'était pas présent hier soir pour le junior. Encore une fois, vraiment, domination dans les tirs pour les Voltigeurs par 48 à 22. Donc c'est ça. Il y avait quand même beaucoup de monde hier là pour aller encourager le junior. Il y avait 3680 personnes à l'auditorium de Verdun. Dans le chac avec les bancs en bois puis. Ouais, ben sérieusement, c'est excellent. Ouais, c'est excellent. Je m'attendais pas à ce que Junior de Montréal ait aussi des bonnes foules que ça. Là, le problème à Montréal, c'est au bout de 4 ans. C'est au bout de 3 ans, 4 ans, est-ce que l'appui va être encore là ou si ça va s'effacer? Rappelle-toi, au début du Rocket de Montréal, c'était des bonnes foules. Ouais. Ben, qu'est-ce qui était plate pour le Rocket, c'est que ça jouait dans un stade de 21 000 personnes. Ben, au début, c'était Maurice Richard, puis tout le monde disait « on voit tout croche ». Parce que Maurice Richard, à la base, c'est un aréna de gymnastique. C'est ça. En tout cas, je pense que c'était ça, de la gymnastique. Non, mais gymnastique aux Olympiques en 76. Okay. Donc, ça a été construit pour ça. C'est plus haut. Après ça, c'est devenu un aréna de patinage de vitesse. Mais c'est pas un aréna d'hockey. C'est fait. C'est pas beau, là. C'est haut. Il y a de la place. C'est 5000 places. Mais c'est dégueulasse comme aréna. Verdun, c'est un peu la même chose. Ils l'ont nippé un peu, mais un shack reste un shack, là. Tu te fais pas un condo de luxe avec une cabane de bois. Non, c'est ça. Il manque d'aréna au Québec. Faudrait qu'il fasse comme à Shawinigan et construire un nouvel aréna. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, c'est 3-0 dans la série pour les Voltigeurs de Drummondville. Le junior de Montréal fait face à l'élimination dès ce soir à l'Auditorium de Verdun. On se transporte maintenant du côté de Québec. Alors que les Remparts sont en déficit, perdent en ce moment 2-1 dans la série. Tout s'est vraiment joué dans le premier match à Québec, alors que la partie s'est rendue en 4e prolongation. C'était long. Le match s'est terminé à 00h35. Écoute, mes parents étaient là. Oh oui? Moi, je travaillais, je pouvais pas y aller, malheureusement. Mais mes parents étaient là. 00h35, mon père est venu à la maison. À l'heure que la partie s'est finie, t'aurais pu y aller après ton emploi. Là. T'aurais eu droit encore à 3-4 périodes. Là, c'est ça. Là. j'aurais vu juste un but, là, mais c'est pas grave. Écoute, dans le fond, c'est ça. Donc, c'est un record. C'est la deuxième plus grosse longue partie, dans le fond, dans l'histoire du hockey junior. Donc, pour un total de 132 minutes et 57 secondes. Le plus long était de 146 minutes et 31 secondes. Ça avait été le 19 mars 1999 entre les Tigres de Victoriaville et les Olympiques de Hull, que les Olympiques avaient remporté par la marque de 3-2. Donc, c'est le deuxième plus long match de l'histoire. 00h35 que ça s'est terminé, ce match-là. Je vous dirais que ça a joué d'un bord comme de l'autre pendant toute la partie. Les tirs, ça s'est fini 71 à 67 pour le Cap Breton. Charles Lavigne qui a fait de l'excellent travail. Et qui sentait le rubber à la fin de la partie. Probablement. Je peux pas vous dire. Je l'ai pas senti. Mais écoute, ça a pas dû. Après 6 périodes, là, on était rendu en 7e période dans le match. Aïe, aïe. Ouais, sérieusement, c'est long. Par chance que les joueurs ne jouaient pas le lendemain, parce que toutes les autres séries jouaient le lendemain, le samedi soir. Les Remparts, eux, jouaient le dimanche après-midi. Donc, ça leur a quand même donné un petit repos. Donc, c'est ça. Le match était terminé par 3-2 pour Cap-Breton en 4e prolongation. Deuxième match, les Remparts qui ont joué ils ont vraiment pas bien joué. Il y a pas de mots pour décrire comment ils ont mal joué. Ça s'est terminé 25 à 21 dans les tirs, donc ça a été un match très, très, très défensif. Charles Lavigne, qui avait très bien fait au premier match, a été chancelant lors du 5e but. Un tir dans la zone des Screaming Eagles, frappé. Sans passer, je pense que c'est ça qui a donné un coup de pelle d'en face des Remparts. Un 200 pieds, comme on les appelle. On a changé de gardien, justement. On a mis le fils de Patrick, Jonathan Roy. On l'a remplacé. Le chanteur? Le chanteur. Mais il chante bien. Ah, je sais pas. Écoute, j'ai vu, on en parle beaucoup à Québec de lui. Es-tu sérieux? Il est populaire. Sérieusement, il s'en vient populaire. C'est drôle à dire, là, mais c'est ça. Il va peut-être plus percer dans la chanson que dans le hockey. Il y a des bonnes chances. Ouais, pour moi, dans le hockey, ça ira pas loin. Non. Donc, Olivier Roy, dans ce match, qui a été très, très fort. Je pense que c'est vraiment lui la clé en ce moment dans la série Remparts Screaming Eagles. Ah, ben, Roy fait mal à Roy. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas eu le On l'aurait bien pris dans notre équipe, petit Roy, nous autres. Donc, hier soir, on se transportait du côté Cap-Breton. Les Remparts qui l'ont finalement emporté par la marque de 3-2. Enfin, une victoire du côté des Remparts. Les marqueurs sont Tessier, Stécieux, Stefanovic et Kudryashev. Du côté de Cap-Breton, c'est Colligan et McNeil. Donc, les Remparts qui ont vraiment été supérieurs en avantage numérique avec 2 buts en 4 tentatives. Du côté du Cap-Breton, 1-9. Donc, les Remparts qui ont écopé de beaucoup de pénalités, mais les Screaming Eagles qui n'ont pas été capables de profiter de leur chance. La première étoile a été Charles Lavigne, lui qui a stoppé 36 arrêts. Donc, Charles Lavigne s'est repris un peu après le mauvais but qu'il avait donné au dernier match. Mais les Remparts sont quand même encore dans marde, comme on dit, parce que ils perdent maintenant 2-1 dans la série. Mais les 2 prochains matchs sont présentés au Cap-Breton. Donc, ça pourrait quand même se terminer là avant de revenir à Québec. Donc, en espérant que les Remparts en sortent une grosse. Du côté maintenant de Rimouski, ça, c'est une très grosse série, Nicolas. L'Océanique et les Wildcats de Moncton. Je pense que c'est la plus grosse série en ce moment. Ouais, ça va être la plus serrée, ouais. C'est très, très serré. Premier match, l'Océanique l'ont apporté 2-1. Deuxième match, les Wildcats qui ont montré beaucoup, beaucoup de caractère l'ont emporté 3-0. La première étoile du match, Nicolas Riopel, qui a stoppé 32 tirs. Un premier blanchissage pour lui en séries éliminatoires. Et hier soir, on se transportait du côté de Rimouski. Victoire de l'Océanique en prolongation. Je t'explique un peu comment ça s'est passé, Nicolas. Vas-y. L'Océanique perdait 2-1 alors qu'il restait seulement 50 secondes à la troisième période. L'Océanique, Patrice Cormier qui a compté le but égalisateur pour faire 2-2. Et finalement, en deuxième prolongation, c'est Jordan Caron qui a donné la victoire à l'Océanique pour donner les devants à l'Océanique 2-1 dans la série. Donc, c'est pas mal ce qui termine les séries pour la LHJMQ. Peut-être une petite nouvelle là en finissant. Les Foreurs de Val-d'Or qui ont remporté le tirage. Donc, ils vont avoir le premier choix au prochain repêchage qui aura lieu à Moncton le 6 juin. Et aussi du côté toujours des Foreurs, Jacques Sylvestre quitte la présidence des Foreurs de Val-d'Or. On a-tu encore un petit peu de temps pour parler des Rondelles d'Or? Vas-y rapidement. Donc, la semaine passée, comme on en a parlé, c'était le gala des Rondelles d'Or de la LHJMQ. Donc, on avait plusieurs prix à décerner. Tout d'abord, le trophée Jacques Plante qui a été remis à Nicolas Riopel. Donc, le joueur de l'année cette année, Nicolas Riopel. On avait parlé que ça allait peut-être être Yannick Riendeau, mais finalement, ça a vraiment été Nicolas Riopel. Qui avait dit Nicolas Riopel? Je pense que c'est moi. Hein? Ouais, mais t'avais changé d'idée. T'avais dit Riendeau. Non. Je vais réécouter les tapes. Donc, je me protège là-dessus. Ouais, c'est ça. Donc, Nicolas Riopel qui a été vraiment la vedette cette année. Dimitri Koulikov, des Vulture de Drummondville, a aussi été une grande vedette, lui qui a ramassé le trophée Raymond Lagacé remis à la meilleure recrue défensive, le trophée RDS remis à la meilleure recrue de l'année et le trophée Émile Bouchard remis au meilleur défenseur de l'année. Donc, félicitations, là, Koulikov, tu as fait du très, très bon travail cette année. Et si on regarde du côté là, des Cataractes, Cédric Lalonde-McNicol a remporté le trophée Frank Silk, remis au joueur... C'est qui? Remis au joueur le plus gentilhomme. Bon, mais... Donc, c'est ce qui t'a... Et Guy Boucher, qui a été la personnalité de l'année cette année, lui qui a remporté le trophée Paul Dumont. C'est ce qui conclut. Je pense que Guy Boucher va suivre dans les traces des Alain Vigneault, des Claude Julien. Ça va s'en aller dans la Ligue nationale. Il a l'air très compétent. Très, très compétent. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-Luc. Donc, calendrier de la semaine. Je l'ai dit un petit peu tantôt. La balle commence, le baseball, c'est le début de la saison. Donc, ce soir, à RDS, c'est les Rays, l'équipe vraiment magique. L'équipe de Cendrillon de l'an dernier. Donc, ça va être intéressant à suivre. On va aussi avoir, en fin de semaine, le tournoi des maîtres à Augusta. Tu ne connais pas cette chanson-là? pas un fan de baseball, Pierre-Luc. Donc, un grand fan de baseball. Ah ouais, ah ouais. Donc, ça, et aussi, on va dire, il y a un gala de patinage artistique. Le club de patinage artistique de Trois-Rivières-Ouest qui fait un gala en fin de semaine. C'est le samedi 11 avril à 13h et à 19h. Je crois que c'est à l'aréna Jérôme Côte-Noire. Donc, ça va être vraiment... Allez voir ça, là. Encouragez nos patineuses. On ne sait jamais laquelle va atteindre les Olympiques un jour. Ball game day. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, cette semaine. On se laisse en musique avec nos FX Champs-Élysées. On vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute prochaine. De l'écoute de partie. N'importe quoi, un surfacé de tout volet. Pour un peu plus de